Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la terreur au temps de la Révolution française. Je retiendrai la devise de Victor Hugo. Oui à 89, non à 93. Il faut accepter ce qu'il y a de bien dans la Révolution française, dont nous avons encore l'héritage, dont nous avons encore les bénéfices. Et il faut refuser ce qui n'est pas tolérable, comme la loi des suspects. On vous jetait en prison sur un soupçon suspect. C'est contraire aux droits de l'homme. Cette loi des suspects dont parle l'historien Alain Decaux à l'émission Aujourd'hui dimanche en 1989 fait partie de la mécanique de ce qu'on va appeler la terreur au temps de la Révolution française. La Révolution va se faire en deux temps. Une première période où on assiste à la prise de la Bastille, à la mise en place du pouvoir révolutionnaire. Et une deuxième période où tous ceux qu'on soupçonne d'être contre l'esprit de la Révolution vont être considérés comme des ennemis du peuple. Un nombre impressionnant d'entre eux, d'ailleurs, vont finir à la guillotine. Cette loi est claire, citoyens. Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Extrait du film « La Révolution française, les années terribles » réalisé par Richard T. Efron en 1989. Pour nous parler de cet épisode de la terreur associé à la Révolution française, je reçois Guillaume Mazot, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, également membre de l'Institut d'histoire sur la Révolution française. Guillaume Mazot, bonjour. Bonjour. D'abord, traditionnellement, de quoi parle-t-on quand on parle de terreur et quelle place occupe cet épisode-là dans l'histoire de la France? Alors, dans l'imaginaire collectif, la terreur, ça renvoie d'abord à une période atroce, horrible, qui est celle d'une sorte de dictature sanguinaire qui aurait été dirigée par quelques hommes, dont Robespierre, le plus célèbre d'entre eux, et qui aurait finalement envoyé à la mort des millions de gens sur des critères complètement subjectifs, etc. Donc c'est vraiment une période complètement hors de l'histoire ordinaire, et qui renvoie à l'idée que toute révolution serait terrible, ouais, et renverrait au totalitarisme. Le côté sombre, voilà, de la Révolution française. C'est la légende noire, ce, ouais, qu'on appelle la légende noire de la Révolution française. Cette légende-là, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, elle est un petit peu mise en doute par les historiens, contestée. Pourquoi et de quelle manière? Alors, parce qu'ils sont allés dans les archives. Oui. Et c'est un peu leur travail à ces historiens. Donc depuis les années 1980, en gros, ils se sont rendus compte que les gens, alors en 1793, en 1794, puisque c'est la période dite de la terreur, en fait, les gens ne parlaient pas de terreur. Ils ne disaient pas « on vit sous la terreur ». Alors, ils se sont rendus compte que cette idée qu'on avait vécue sous un régime qui se serait appelé la terreur, et que ça aurait été un régime politique particulier en plus, eh bien, c'est une fabrication politique qui a été inventée par ceux qui ont le pouvoir, aux côtés d'ailleurs de Robespierre, au printemps 1794, qu'on appelle les montagnards, parce qu'ils se reconnaissent. La montagne, c'était le symbole du peuple, du, ouais, soulèvement populaire. Bon. Et qui, pour se débarrasser de Robespierre, pour trouver un bouc émissaire, et aussi parce qu'ils comprenaient que les populations étaient fatiguées par ces violences, et que la guerre, en plus, était moins peut-être menaçante, eh bien, ils comprennent qu'on peut passer à un régime républicain plus modéré. Et pour faire accepter cette transition, ils inventent cette histoire-là. Voilà. Une manière de Je vous écoute, manière de propagande politique à l'époque. Exactement. Pour qu'un clan déloge le clan qui est en place. Voilà, il faut savoir qu'en période de guerre civile, alors nous on sait très bien aujourd'hui, même quand on a des petits épisodes de crise, nous avec les gilets jaunes en France, on sait bien que à quel point les émotions et les rumeurs, elles peuvent vite être crues ouais. si elles sont récupérées politiquement. Alors vous imaginez dans une période de guerre civile comme la France de 1794, qui depuis 5 ans est en révolution, eh bien en fait ça peut marcher assez rapidement ce genre d'histoire. Et puis ça a marché aussi parce que les pays autour étaient prêts à le croire. C'est d'abord l'image qui renvoyait de la Révolution française depuis quelques années, notamment en Angleterre, avec Edmund Burke qui voulait montrer que la Révolution française était presque par nature mauvaise. Ouais, pour les Anglais, ce n'était pas la façon de marcher vers la démocratie, la République, voilà. On appelle ça comme on voudra. Puis ailleurs, cette révolution, puisqu'il y a des têtes couronnées qui tombent, elle fait peur aussi, Europe. Bien sûr, et puis elle a occasionné des guerres qui occupent toute l'Europe depuis plusieurs années. Pendant la terreur, la guillotine sera utilisée sans discrimination. C'est la période où la révolution mettra de côté ses principes démocratiques et les remplacera par l'arbitraire, la coercition et la violence. Dès l'exécution de Louis XVI et la proclamation de la République, les différentes factions révolutionnaires s'affrontent. On voit non seulement la droite s'opposer à la gauche, les Jacobins combattre les Girondins, mais également des alliés naturels comme Robespierre, Danton ou Desmoulins s'entre-déchirer. Rapidement, presque du jour au lendemain, la crainte des ennemis de la Révolution devient une vraie obsession et les têtes des révolutionnaires eux-mêmes commencent à tomber sous la guillotine. Toute personne suspecte non seulement d'agir, mais de parler, même de penser contre la Révolution, pouvait être traîné devant un tribunal révolutionnaire comme celui-ci pour y trouver non pas la justice, mais la mort. Extrait de l'émission « Démocratie, idées et révolutions » diffusée en janvier 1990. Vous entendiez dans cet extrait l'historien de l'Université de Paris-1-Sorbonne, Michel Vauvel. Qu'a donc été la terreur dans la réalité? Elle a existé. On en a fait très rapidement un mythe, nous disiez-vous, Guillaume Mazot. Mais essayons de voir un peu ce que ça a été dans les faits. D'abord, donc, courte période, vous nous disiez 1793, 1794 en gros. C'est ça, ça a duré pas si longtemps que ça en réalité, un peu plus d'un an. Ouais. Avec une violence assez forte, des lois qui sont adoptées, des têtes qui vont tomber quand même, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui d'abord nous amène à cette terreur? Alors d'abord, contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est pas du tout un plan prédéfini ou une idéologie qui aurait été appliquée par les révolutionnaires. C'est des choix qu'ils prennent collectivement, en les votant à chaque fois. Hein. C'est la loi qui crée la terreur. C'est des choix qu'ils font contre leurs principes. C'est que des gens qui étaient opposés parfois à la peine de mort, comme Robespierre en 1789, qui étaient vraiment très attachés à la liberté. Ils avaient fait la révolution pour ça et qui petit à petit décident finalement de transgresser les libertés démocratiques pour sauver la révolution. Mais ils le font que petit à petit et en réponse à chaque fois à une nouvelle menace, qu'elle vienne de l'intérieur ou qu'elle vienne de l'extérieur. Donc pourquoi, c'est graduel. Pourquoi le font-ils? Parce qu'effectivement, ces gens-là, ces révolutionnaires, en fait, ils font la révolution parce qu'ils s'opposent, entre autres, à l'arbitraire du roi. Et ils vont tomber, bien sûr, en adoptant ces mesures, mais ils vont tomber dans une forme d'arbitraire eux-mêmes. Pourquoi? Alors, ils tombent dans des contradictions qui ne sont pas forcément de l'arbitraire, puisque c'est des lois qui sont votées. Oui. C'est pas des gens qui décident des choses tout seuls. Mais on jugera en fait sur peu de motifs. C'est là où j'entendais qu'il y aura de l'arbitraire, finalement. Ah oui. Alors, ils le font parce que, et d'ailleurs en France, on a eu du mal à le penser et même à le dire, que notre révolution avait été une guerre civile, comme toutes les révolutions en réalité. Et que quand on a une guerre civile, on sait très bien que l'État devient fragile, devient faible, et en tout cas contesté, et que face à ça, souvent la tentation, c'est l'excès d'autorité ou de défendre l'État par des lois qui sont dures, plus dures. Et puis il y avait une tradition en France de cet État dur, c'était la monarchie absolue. Donc la terreur n'a pas tout inventé. Ouais. Donc ça commence, d'ailleurs la chronologie montre à quel point ça c'est lié à des événements, c'est en mars 1793, le tribunal révolutionnaire de Paris est institué, le comité de salut public le 6 avril 1793, donc c'est que des institutions qui se mettent en place, qui vont mettre en place ce qu'aujourd'hui on connaît en France dans l'histoire longue, c'est un état d'exception, c'est-à-dire dans lesquels les lois ordinaires sont plus appliquées, et c'est pour faire face à deux menaces qui sont complètement contemporaines, d'abord le soulèvement d'une partie des paysans dans l'ouest de la France, qu'on appellera plus tard la Vendée, en fait, qui est une vaste région, hein, qui se soulève contre la Révolution, mais aussi parce qu'ils refusent d'aller se battre contre les armées qui, et c'est le deuxième moment, qui viennent menacer la France et envahir la France parce qu'ils veulent mettre fin à la Révolution. Et s'ils veulent mettre fin à la Révolution, ces armées anglaises, autrichiennes, prussiennes, etc., c'est parce que les Français ont exécuté le roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et que ça déstabilise tellement les monarchies européennes qu'ils ont décidé de s'en débarrasser. Donc c'est vraiment une réponse, ce qu'on appelle la terreur, qui est un état d'exception donc, à ça, à ce double contexte. Agression, guerre en fait avec des pays étrangers et guerre civile. Ouais. Une guerre civile profonde et contrairement à ce qu'on s'imagine, dans laquelle l'État était très faible et fragile. Une grande partie des grandes violences, des massacres de populations civiles qui ont été perpétrées par les armées révolutionnaires, elles ont été faites sans ordre, par des généraux qui avaient peur, dans le bocage par exemple de l'ouest de la France, ils avaient très peur de ces Vendéens qu'on présentait comme des sauvages, etc., qui étaient juste des populations qui se soulevaient elles aussi, parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec ce régime. Et face à ces peurs, face aussi parfois à leurs propres excès, ces armées se sont livrées à des massacres abominables. Citoyennes, écoutez la sentence du tribunal. Inutile. Croyez-vous que je ne la connaisse pas assez? La loi exige qu'elle vous soit lue une seconde fois. Le tribunal, d'après la déclaration unanime du jury, faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, d'après les lois par lui citées, condamne la dite Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Déclare, conformément à la loi du 10 mars dernier, ses biens, si aucun est là dans l'étendue du territoire français, acquis et confisqués au profit de la République. Ordonne qu'à la requête de l'accusateur public, le présent jugement sera exécuté place de la Révolution, imprimé et affiché dans toute l'étendue de la République. Présentez vos mains, citoyenne. Est-ce qu'on va me lier les mains? On n'a pas lié celles du roi. Fais-t'en voir. Oh, Dieu. Allez, marchons. Extrait de la télésérie française Marie-Antoinette, réalisée par Guy Lefranc en 1976. Alors, Marie-Antoinette, Guillaume Mazot, elle compte évidemment parmi les célèbres victimes de la terreur. Plus largement, qui sont les victimes de cette fameuse terreur? Alors, les victimes de cette terreur, c'est d'abord des populations ordinaires, contrairement à ce qu'on s'imagine. Il y a un endroit où on peut aller comprendre ça en France et à Paris, c'est la Conciergerie. Au centre de Paris, sur l'île de la Cité, il y a les anciennes prisons du tribunal révolutionnaire. Et c'est un monument dans lequel on essaye d'expliquer justement comment ces populations étaient jugées par le tribunal et condamnées. Et en fait, la grande majorité de ces populations, c'est des paysans, c'est des artisans. Contrairement à ce qu'on s'imagine, les nobles et les anciens nobles en tout cas, et les membres du clergé, sont une petite minorité. Ils sont 10% des victimes de la terreur judiciaire, c'est-à-dire qui ont été condamnés par le tribunal révolutionnaire. En même temps, 10%, c'est beaucoup plus que ce qu'ils étaient vraiment dans la société, puisqu'ils n'étaient que 2%. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même ciblés en priorité. Et il y a des bonnes raisons, ils étaient des vraies menaces pour le régime. Mais que, voilà, la plupart du temps, c'est des gens ordinaires. Comme vous et moi. Et sous quel motif, en fait, est-ce qu'on est vraiment, je reviens aux extraits qu'on entendait, mais est-ce qu'on est vraiment dans une forme de paranoïa aiguë et qu'on exécute à gauche, à droite, qu'on emprisonne à gauche, à droite, sans trop de raisons? Alors, comme dans tous les moments de guerre civile, qui se double en plus d'une invasion militaire. Il y a peu d'histoires d'événements comme ça dans l'histoire de France, quand même, aussi dramatiques. Évidemment, les émotions et les peurs jouent un rôle très important. En revanche, ça ne veut pas dire que les institutions fonctionnent n'importe comment et ça ne veut pas dire que la justice fonctionne n'importe comment. Pendant très longtemps, je dirais jusqu'en mai 1794, donc pendant un an, la justice révolutionnaire, elle acquitte presque la moitié des gens qui passent dans le tribunal révolutionnaire. Et ça, on a souvent pas l'impression que c'est vrai. C'est-à-dire, et les gens qui passent devant les juges ont des défenseurs, ont des avocats. Ça ne se passe pas tout à fait n'importe comment. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont souvent condamnés? C'est quand la preuve est faite qu'ils conspirent contre le régime ou qu'ils ont dit des mauvais propos, des propos contre-révolutionnaires. On n'est plus tellement dans une démocratie. Ouais. On peut être condamné pour des propos politiques, ça c'est sûr. Voilà. Et évidemment, il y a une série d'erreurs. Il y a des erreurs qui sont faites, puisque entre le oui-dire et la preuve tangible, à cette époque-là, on peut condamner quelqu'un pour une preuve morale. Le 17 septembre 1793, on vote une loi des suspects, juste avant que la Constitution d'ailleurs soit suspendue, Et ça veut dire une chose, ça veut dire une réalité. C'est que comme en période de guerre civile, on ne sait pas où sont les ennemis, puisqu'ils ne se montrent pas, évidemment, il faut que les gens ordinaires qui défendent la Révolution et qui vivent dans la France et qui croient dans la Révolution et la République, ils demandent que la justice soit rendue contre eux, parce que ils peuvent être aussi menacés par eux. Bon. Et donc ça induit aussi à prendre ces décisions-là. Et en même temps, si vous êtes déclaré suspect et que vous êtes par exemple la femme d'un noble qui est parti, qui a émigré en Angleterre pour s'échapper, vous pouvez être mis en prison. Ouais. Et donc ça veut dire que potentiellement des innocents qui n'ont rien fait peuvent l'être. Donc on sort bien du droit ordinaire, on sort bien de l'idéal révolutionnaire. Est-ce que cette terreur, c'est... Vous avez déjà parlé de la Vendée, mais j'allais dire, est-ce que c'est d'abord et avant tout l'affaire de Paris? Est-ce qu'il y a des différences régionales dans l'intensité qu'aura la terreur sous la Révolution française? Bien sûr, les principales régions dans lesquelles la répression fonctionne, c'est l'ouest de la France, puisque c'est là qu'il y a les principales oppositions à la République française, et puis aussi c'est la vallée du Rhône. Mais c'est toutes les régions, le sud du Massif central, c'est-à-dire dans le sud de la France, les régions montagneuses, c'est beaucoup de régions qui sont attachées au catholicisme traditionnel, attachées à la personne du roi aussi, à sa fonction. Donc là, il y a une géographie politique, je dirais, conservatrice, qui est dans le long terme et encore valable aujourd'hui. C'est un long terme de la géographie conservatrice en France. Ouais. Mais là, on parle que de la répression. Il ne faut pas oublier aussi que cette période qu'on appelle terreur, c'est aussi une période à la fois d'exclusion des ennemis du régime, mais dans laquelle on essaye d'inclure énormément ceux qui sont amis du régime. Et là aussi, l'héritage, il est très fort en France, puisque les premières lois sur l'école laïque obligatoire et gratuite, les premières lois, qu'on n'appelle pas encore comme ça, mais de sécurité sociale, de limitation des salaires, de limitation des prix, et qui font du bien aux populations qui meurent de faim, hein, c'est à cette époque-là qu'on les prend. Donc c'est les deux à la fois. Ouais. Le paroxysme de cette répression, il arrive quand ? Le paroxysme, il arrive justement en mai-juin 1794. C'est ce qu'on appelle souvent la grande terreur, ouais. Puisque là, ça s'accélère. La justice s'accélère. Et si ça s'accélère, c'est à la fois pour des raisons un peu politiciennes, je dirais, ce qui conduit d'ailleurs les amis de Robespierre à aller à l'échafaud aussi. Mm-hmm. Je pense à Danton, Desmoulins, etc., qui a priori n'étaient pas des contre-révolutionnaires, mais qui sont ennemis, visés comme des ennemis du régime, qui menacent trop la stabilité républicaine. Et puis, à ce moment-là, donc là, vraiment, il n'y a plus qu'une personne sur cinq qui est acquittée par le tribunal révolutionnaire. Donc là, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que certains commencent à se dire qu'il faut cibler Robespierre et qu'il faut passer à autre chose. Puisque vous parlez de Robespierre, effectivement, on a beaucoup fait porter les plus atroces horreurs de cette terreur sur ses épaules et il en paiera au prix de sa vie. Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms ! Oui, des noms ! Des noms ! Des noms ! Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran ! Mort au tyran ! À nouveau un extrait du film « La Révolution française, les années terribles ». On associe donc généralement, Guillaume Mazot, la terreur à Robespierre, la fin de la terreur d'ailleurs, à l'exécution de Robespierre. Dans les faits, quel rôle il va jouer dans cette fameuse terreur? Puis qui sont plus généralement les acteurs principaux de cette terreur? Alors Robespierre, c'est le monstre de la terreur, par excellence. Hein, dans le monde entier d'ailleurs, dès qu'on prononce le mot de Robespierre, c'est comme quand on dit « guillotine ». Ça veut dire, c'est vraiment la légende noire de la Révolution, voilà, de la Révolution française. Alors, qui il est vraiment Robespierre et pourquoi il est devenu ce monstre dans l'imaginaire, c'est que il a incarné en fait même à l'époque, hein, avec Marat et Danton, depuis la fin de l'année 1792, il incarne vraiment un des trois hommes du régime qui sont vus comme les plus radicaux, en tout cas ceux qui occupent le pouvoir. Et ils sont des cibles à abattre. Bon, Marat est assassiné à l'été 1793 par une jeune fille qui vient de Normandie, Charlotte Corday, donc il n'existe plus. Donc Marat, c'était un journaliste en plus, donc il avait voilà, un grand rôle dans l'opinion. Danton passe à l'échafaud au printemps 1794, il n'en reste plus qu'un, c'est Robespierre. Et Robespierre, il a aussi une fonction particulière à ce moment-là, en France, dans l'Assemblée nationale, qu'on appelle la Convention, c'est qu'il est particulièrement charismatique. Et donc il est vu comme quelqu'un assez de seul et de surpuissant. Ouais. Parce que ces mots portent, hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement fort pour poser des mots sur les situations, pour entraîner les foules, etc. Et alors c'est un peu une erreur, parce qu'en réalité, politiquement, effectivement il a du pouvoir lié à son image, mais institutionnellement il n'en a pas plus qu'un député lambda, en tout cas qu'un membre lambda du comité de salut public. Au sein de ce comité, donc c'est un groupe de députés, hein, ils sont 12, en réalité souvent 11, en fait les décisions se prennent collectivement, et c'est pas lui qui a le plus grand pouvoir au sein de ce comité, c'est même souvent Barrère qui est le plus fort. Mais dans l'imaginaire, c'est Robespierre. Et donc, en le pointant comme le responsable de toutes les violences qui se sont passées, et en réduisant cette période aux violences, alors qu'il y avait beaucoup de, je vous ai dit, hein, de réformes sociales, de projets d'émancipation, hein, vraiment, eh bien, une partie de ses anciens compagnons, dont Barrère, Fréron, Tallien, je cite leurs noms, ils ne sont pas aussi connus que lui, mais ils ont joué un rôle important, eh bien, ils réussissent à persuader qu'on pourrait peut-être faire survivre la République cette fois, sans lui et ses amis, mais de façon plus modérée. Avec ce prétexte, on revient au mythe, à ce qu'on disait au tout début, on écarte Robespierre, ce qu'il représente, en créant, en amplifiant en tout cas ce qu'a été la terreur pour des fins politiques. Les conséquences, ce sera quoi, politiquement justement, pour la France? Alors politiquement, il y a la terreur après la terreur, je dirais d'abord, parce que en fait, tout ne se finit pas avec la mort de Robespierre, puisque le soulèvement de l'Ouest contre-révolutionnaire, il dure au moins jusqu'au début du XIXe siècle. Les guerres liées à la Révolution, c'est pareil, elles continuent, hein, puisqu'il y a une deuxième coalition européenne en 1799. Et puis le tribunal révolutionnaire, il continue à fonctionner. Hein, ouais. De fait, par les gens qui pourtant disaient « non, non, on arrête ». Jusqu'au printemps 1795. Hein, il faut qu'il y ait en ville lui-même, donc qui était en gros le procureur du tribunal révolutionnaire, en fait les frais au printemps 95. Les conséquences, c'est quand même une répression très forte. C'est 200 000 morts à peu près en Vendée, c'est-à-dire dans l'ouest de la France, des populations civiles, je le rappelle. Ouais. Hein, c'est pas, voilà. C'est 35 000 à 45 000 personnes qui ont probablement été exécutées à la fois par le tribunal révolutionnaire de Paris, mais il y en avait en province, et puis il y avait des tribunaux militaires. C'est pour ça qu'on a du mal à les compter. C'est que, voilà, on n'a pas toujours toutes les archives. Mais dans le bilan, il y a aussi tous les projets, je vous ai dit, de république sociale et démocratique que reprendront les révolutionnaires du XIXe siècle. Je pense évidemment à ceux de 1848 ou à, par exemple, aux communards de la Commune de Paris de 1871 et dont on est aussi un peu les héritiers en France aujourd'hui, hein, à la fois pour les conceptions de l'école, les conceptions démocratiques et égalitaires d'une partie de cette République. Donc le bilan, il est très contrasté et il est nécessairement un peu complexe. C'était passionnant. Guillaume Mazot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Guillaume Mazot, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre également de l'Institut d'histoire sur la Révolution française. Merci à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges et Pascal Michaud, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.